Alors, Cresson, école d'hiver 2020. Pour cette deuxième table ronde, mettez-vous à la place d'une participante aux ateliers d'école d'hiver. Vous prenez des notes sur votre ordinateur tout en enregistrant sur votre smartphone les intervenantes. Cette émission dont l'enregistrement a malheureusement raté a été animée par Théa Manola, docteur en urbanisme, aménagement et politique urbaine. Elle interroge Laure Braillet et Sylvie Laroche sur leurs protocoles et leurs outils qu'elles ont adoptés pour leur enquête de terrain en ambiance sonore urbaine. Architecte et chercheuse associée au laboratoire Cresson, elle s'intéresse aux approches sensibles des villes et sur les représentations du sonore dans les espaces en mutation. Les différentes méthodes qu'elles exposent s'adaptent en fonction des spécificités des territoires étudiés et des moyens matériels et humains, bien sûr. Sylvie Laroche commence la table ronde. Comment on entre dans le terrain? Quelle est la préparation seule ou soit en équipe de chercheurs internes au Cresson, mais aussi en équipe avec d'autres collègues issus d'approches pluridisciplinaires, on va dire. Et donc, on peut se poser la question, quelle est la préparation du matériel utilisé, quels sont les enjeux de la recherche, quelles sont les caractéristiques de l'environnement sonore à investir, et quelle est la place donc, du preneur de son dans l'espace sonore. Donc là, c'est plus une négociation au sein de l'équipe. Et puis, le deuxième enjeu, je pense que c'est aussi la négociation avec le terrain. C'est-à-dire, quelles sont les contraintes. Par exemple, moi, j'avais fait ma thèse sur les centres commerciaux. Je ne pouvais pas, à chaque fois que j'allais dans ces équipements-là privés avec une démarche de recherche dans un environnement très sécurisé, demander à chaque fois une autorisation pour prendre des sons ou autre. Donc, je me baladais avec des têtes artificielles pour enregistrer in situ. Donc ça, c'était toutes ces contraintes, mais aussi, je pense aussi à une autre recherche où on était plusieurs de Cresson à investir les caractéristiques de patrimoine sonore de la ville nouvelle d'Ile-d'Abo. Et les prises de son effectuées majoritairement par Jean-Luc Bernier, qui est un preneur de son au sein du Cresson, à chaque fois qu'il enregistrait, c'était au printemps, il y avait une surabondance, on va dire, des oiseaux. Et on n'entendait que des piaillements quand on est revenu sur le laboratoire. Donc c'était à la suite de ces premières investigations, on se dit, certes, il y avait des oiseaux, certes, c'était le printemps, on peut le prendre en compte, mais aussi comment on va faire des choix pour révéler aussi les autres dimensions sonores du site. Donc c'est aussi cette négociation plus technique de l'équipe, une négociation aussi avec le terrain, avec ses caractéristiques, mais aussi avec les enjeux de la recherche. Alors, ça fait penser à une exposition actuelle de Claudine de Bougaret qui est à la BNF, où son exposition relate toutes ses expérimentations et collaborations avec Raymond de Pardon sur ses films. Elle s'intitule cette exposition « Dégager l'écoute ». Alors, dégager l'écoute, pour elle, c'est à la fois avoir une condition d'écoute du spectateur au moment où on va diffuser ces films, ces documentaires, pour se dire comment on prend en compte ces caractéristiques du lieu. Mais c'est aussi, quand on est à l'enregistrer, ces prises de son direct, comment être le plus précis possible. Et je trouve que cette position est assez juste, c'est-à-dire à la fois avoir un climat de confiance quand on enregistre, avec les personnes, les habitants, le lieu, mais aussi avoir ce climat de confiance quand on va restituer et partager ces fragments sonores. Et on reviendra souvent sur ce projet-là, mais c'est aussi ce qu'on a essayé d'être attentif à ça dans le projet Cartophonie, c'est-à-dire toutes les métadonnées, toutes les raisons qui accompagnent l'enregistrement, la prise de son direct, et essayer de toujours alterner entre ces deux postures-là. Bonjour à tout le monde. Laure Braillet. Sylvie, tu as présenté un peu vraiment comment on fait sur le terrain. Moi, je voulais vous parler aussi d'un contexte de recherche vécu il y a quelques années. Je ne sais plus de quand date cette recherche. recherche. Une recherche qui s'appelle Aux envies, ausculter l'environnement, qui s'est fait en 2014 ou 2015. Et dans cette recherche-là, j'ai envie de vous en parler parce qu'il y a à la fois de l'enregistrement in situ, mais il y a aussi une deuxième partie qui était plutôt in vitro et qui était basée sur la méthode de l'écoute réactivée. Aux envies, c'était un projet de recherche pluridisciplinaire qui accueillait des architectes, des géographes, des sociologues, des hydrologues et un médiaticien. qui essayait de questionner les liens entre la perception, et notamment la perception sonore, et les actions dans un contexte de vallée de haute montagne, puisque c'était la vallée du Vénéon, et qui est une vallée particulière parce que donc, le Vénéon est un torrent en fond de vallée qui est extrêmement bruyant. Donc nous, on s'intéressait vraiment à comment les acteurs, habitants, professionnels, ont des pratiques quotidiennes, ordinaires, d'habitants et de professionnels, mais qui sont toujours prises dans ce contexte sonore surprésent. Comment on ajuste nos actions en fonction de ce contexte-là particulier. Donc ça, c'était un petit peu l'enjeu de la recherche, et ça s'appelait ausculter l'environnement, puisque avec le lien médical, de comprendre par le sonore, faire un diagnostic à partir du sonore dans le but d'agir. Et c'était une recherche avec des hydrologues, je l'ai dit, qui avaient une posture particulière puisqu'ils écoutaient les cailloux du torrent comprendre le flux du torrent et donc les crues potentielles de ce torrent. Alors, peut-être pour juste un bref fragment pour vous montrer un petit peu cette vallée. À côté, mais qu'on est en train d'installer des barrières au mois de mai parce qu'elles ont été, enfin, pas des barrières, mais des passerelles en bois parce qu'elles ont été évacuées par les flots, et bien ça pose question sur la coordination des actions dans ce contexte-là. Donc, c'est une recherche où on avait deux moments, l'in situ, donc comme le disait Sylvie, où il y a eu plusieurs captations. Jules et moi, on a plutôt parcouru le territoire pour faire de la collecte, alors Jules de la collecte sonore et moi vidéographique. Et puis à côté de ça, il y avait une équipe qui utilisait le son aussi, mais là, de manière plus classique en sciences sociales, d'enregistrement d'entretien. Et le deuxième temps qui m'intéressait de vous raconter ici, c'était plutôt donc, cette question de l'in vitro. Avec un temps d'écoute réactivée, comme a pu théoriser cette méthode Jean-François Goyard en 2001, qui a consisté en fait à soumettre à la discussion d'un collectif d'habitants et de professionnels qu'on avait auparavant rencontrés un ensemble de fragments sonores qu'on avait enregistrés sur les lieux dans la phase in situ. Et voilà, donc des fragments sonores à la fois enregistrés sur le terrain et subaquatiques, les fameux sons de l'hydrologue qui charriait des cailloux. Alors, est-ce que je suis trop longue? Je suis en train de me demander. Vous me coupez. Donc, juste pour rappeler un petit peu ce que c'est que l'écoute réactivée, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Donc, c'est une technique d'enquête qui a été développée par Jean-François Béard en 1981 et qui définit comme le recueil des réactions d'habitants ou d'usagers à qui l'on fait entendre des sons de leur propre environnement Donc on fait entendre des sons à des invitants et on recueille leurs propos à partir de ces sons. C'est à la fois un exercice d'écoute, puisqu'on écoute les sons ensemble, qu'on est plongé dans le son, et c'est un embrayeur de paroles, et il nous dit que le son, là, est un tiers intervenant capable de délier les rigidités du face-à-face verbal quand on est dans un rapport d'entretien, par exemple. Donc c'est une manière d'accéder aussi de façon un peu plus simple ou détournée à des perceptions sensibles et donc à des perceptions sensibles du sonore, à l'environnement sonore. L'enjeu de la réactivation pour Jean-François Boyard, c'est une manière d'avoir accès au vécu sonore, c'est-à-dire au son propre, mais inévitablement interprété et ou déformé par les acteurs selon le sens qu'ils viennent mettre dans les situations sonores vécues. Donc c'est à la fois qualifier le son, mais qualifier notre compréhension et notre interprétation de ces sons, et ce qu'on en fait dans les pratiques. Donc pour Ozambiz, on avait adapté cette technique un petit peu en réalisant un entretien collectif et en faisant plusieurs types d'exercices d'écoute avec plusieurs objectifs. Il s'agissait d'abord de questionner nos représentations du bruit de la rivière. On diffusait différents fragments in situ, mais qu'on confrontait avec d'autres enregistrements de bruit, ce qu'on appelle les bruits roses, qui ressemblent, ce bruit du Vénéon, qui est un bruit rose, qui ressemble très très fortement au bruit de l'autoroute. Donc on diffusait aussi des bruits d'autoroute pour justement saisir un petit peu si les habitants saisissaient la nuance sonore, qu'est-ce que ça leur évoquait. Puis ensuite, on avait un jeu de localisation où on essayait de diffuser un son et de savoir où il avait été enregistré, où est-ce qu'on se situe dans la vallée. Et puis un jeu du niveau sonore où le fragment pris au niveau de la confluence, là, qui fait 80 décibels, on demandait aux habitants de lever la main, on augmentait progressivement le volume sonore de ce fragment et on leur demandait d'arrêter de lever la main quand ils pensaient qu'on avait atteint le volume juste. Bien sûr, tout le monde avait la main trop tôt. Parce que là, on était dans une salle à Saint-Christophe en Voisin, on n'était pas à 1 mètre du tout. Bon voilà, les résultats de cette séance de réactivation, puis je m'arrête là pour vos envies, moi ce que je trouve intéressant, c'était cette impossibilité de qualifier le son du Vénéon en général, alors que c'était un peu notre première approche. Comment sonne le Vénéon, qu'est-ce qu'on fait avec ce son du Vénéon. On ne peut pas le qualifier en général, mais par contre, on saisit assez finement des contextes d'écoute. Et quand on écoute de manière décontextualisée, donc in vitro, en salle, les habitants et les professionnels qui ont un rapport quotidien avec leur environnement cherchent toujours à recontextualiser, même en dehors de notre jeu de localisation, il y avait toujours une tentative, même les bruits d'autoroute, on essayait de savoir où ils auraient pu être enregistrés, mais en fait, non, les autres qui ne collaient pas. On avait noté aussi une très forte mémoire sonore qui était indexée de manière spatio-temporelle, pas uniquement des sons reliés à des espaces, mais aussi des sons reliés à des temps particuliers, puisque la cascade qu'on avait enregistrée, qui faisait face à Saint-Christophe-en-Noisan, ne sonnait pas pareil l'été et l'hiver, ou au mois de mai quand il y a la fonte des neiges, ou en plein mois de décembre quand elle est en glace et que en fait là on n'entend quasiment pas, alors que le reste de l'année c'est une présence fluctuante. Voilà. Donc une mémoire sonore indexée spatio-temporellement. Passer par le sonore pour qualifier les rapports à la rivière, ça délimite obligatoirement des unités de sens et de pratique, d'échelle restreinte, locale. Et ça implique, qu'est-ce que ça implique pour les échanges? Ça implique de débattre de la vallée à partir des expériences pratiques et sensibles des habitants et des intervenants, d'essayer de comprendre leurs rapports sensibles à partir desquels chacun se positionne. Et donc, on s'était dit, dans une visée d'hydrologie, si on veut essayer de coordonner des actions quand il y a des flux, des crises, un temps de crise, il faut partir de la compréhension sensible extrêmement locale et liée aux pratiques en fait, des acteurs qui ont chacun une compréhension et une connaissance de ce qu'est le torrent en temps normal et en temps de crue, mais situé, extrêmement situé. Et donc, on peut se dire qu'après, il y a toute une autre logique d'articulation de l'action qui se fait, mais à partir de micro. Voilà pour vos envies. Merci, professeur. Alors, moi, ce que j'entends de vos deux discours, alors, en effet, l'enquête, Sylvie l'a très bien dit, c'est avant tout un rapport avec un terrain, qu'il soit donc humain ou non humain. Théa Manola. Un rapport aussi avec l'outillage. T'as parlé d'être artificiel, mais on sait tous que dans toutes nos enquêtes, la question de l'outil et de comment on se prépare est très important. Et donc, que l'enquête, on l'imagine souvent comme une situation en action d'une certaine manière, mais que l'avant et l'après prennent autant de place, pour ne pas dire des fois plus, et on y reviendra sur ce point-là. Ce que j'entends aussi, parce que l'idée c'est de parler un peu des outils du laboratoire ou des unes et des autres, donc j'ai entendu des prises de son, des prises vidéo, in situ, de l'écoute réactivée, donc plutôt de l'in-vitro, des entretiens qui se passaient in situ, l'appeler en situation d'habiter, et j'y reviendrai. La question de l'écoute, ce qui est selon moi un outil de l'équipe à part entière, qui est une importance cruciale. Moi, j'aurais envie d'ajouter des entretiens en situation d'habiter autres, de la thématique de la semaine que j'ai pu pratiquer de mon côté, des entretiens dans les régions. Donc, pratique très commune chez nos collègues acousticiens qui vont faire un entretien en situation d'habiter dans le sens là où on dort, là on loge, et potentiellement là où on habite. Donc moi, ça m'est arrivé dans mes travaux passés de travailler vraiment avec des personnes sur leur vécu sonore, comment dire, de leur vie de manière plus large, mais en partant de l'espace où vraiment ils logeaient, et de travailler donc à la fois les sons domestiques et les sons environnementaux en même temps, voilà, dans une perspective de qualifier leur vécu sonore au sens plus large. Ce que j'ai entendu aussi, et je trouve ça passionnant, c'est qu'au final, et on y reviendra aussi, je pense, on va travailler sur le vécu sonore pour le sonore lui-même, et on va travailler sur le vécu sonore pour travailler sur complètement autre chose, qualifier un rapport à un territoire, qualifier des rapports humains, qualifier des pratiques, qualifier des mémoires éventuellement, essayer de les comprendre, peut-être pas les qualifier à chaque fois. Et voilà, le son, comme souvent pour ces questions sensibles, peut être un objet en tant que tel, ou un intermédiaire, une manière pour accéder à autre chose. Le sonore, on le sait, on l'aurait dit, et les plus anciens de l'équipe le disent très souvent, est constitutif de l'ADN de l'équipe, je l'ai dit en introduction. Donc il se retrouve, j'ai l'impression, un peu partout. L'équipe, à chaque fois qu'on fait, souvent, sur la présentation des enquêtes, la place du sonore est quand même importante. Donc, est-ce que vous avez des retours d'expérience à nous faire sur des enquêtes qui ne portaient pas forcément directement sur le vécu sonore, mais où il a été provoqué de manière indirecte, où il s'est fait une place de lui-même, sans qu'on le comprenne directement? Alors, je me lance. Alors, c'est une recherche que je mène actuellement, donc c'est une recherche dirigée par le CSTB et l'EPIA, l'École de paysage de Genève. Et cette recherche, elle porte sur les lisières urbaines, c'est-à-dire les interfaces entre les milieux naturels et les milieux urbanisés dans une ville bien spécifique, c'est dans la ville du Grand Genève, c'est-à-dire où la nature, c'est les espaces vides, on a envie de grignoter pour construire et densifier de plus en plus ce foncier rare et cher. Et dans ce projet de recherche, il y a des collègues ingénieurs acousticiens qui ont mesuré l'épaisseur de cette lisière urbaine, se dire ben, est-ce qu'on peut l'identifier, est-ce qu'on peut la caractériser, est-ce qu'elle a une emprise, est-ce qu'on peut se dire ben, voilà, la lisière urbaine, c'est cet espace-là, et comment elle se forme et elle se déforme. Donc ça, c'est un des premiers éléments pour un peu définir cet espace, cette interface ville-nature. Mais ce qui me paraît plus intéressant par rapport à ta question, Théa, c'est de revenir sur les enquêtes habitantes qu'on a menée avec Emeline Badis, qui dirige aussi ce projet de recherche. Et cette enquête habitante, elle repose sur des parcours commentés. Alors, les parcours commentés, donc là, c'est aussi une autre méthode développée aussi au sein du Cresson et mobilisée sous différentes formes. On peut la définir, comme le dit très justement Jean-Paul Thibault, à travers ces trois verbes, marcher, percevoir et décrire, c'est-à-dire que tout simplement, avec la personne qu'on a recrutée, on marche le long d'un parcours. Cette personne perçoit le milieu environnant dans lequel on marche, aussi une personne qui est plus à l'écoute, et il décrit ce qu'il perçoit, son imaginaire, le paysage environnant, le paysage proche, ses expériences actuelles, passées ou futures du lieu. Et selon les méthodes, on peut avoir un parcours fixe, un parcours autrement il nous emmène, ou avoir une grille de questions plus ou moins précise. Nous, dans notre cas, on avait une trentaine de questions à poser le long de ces parcours commentés. On effectuait donc avec une personne, ça arrivait d'être avec un couple, mais c'était plus souvent une personne. Et dans ces 30 questions, il y avait uniquement une seule question qui portait sur qu'est-ce qu'on entend ici. Donc à cette question-là, souvent on avait des descriptions assez basiques sur là on entend les bruits routiers, là on entend les oiseaux, le calme de la nature. Et cette description était importante à leurs yeux, mais là où ils convoquaient la dimension sonore, et le sonore apparaissait plus comme tu disais, un intermédiaire, c'est quand ils nous décrivaient leur expérience quotidienne de cette lisière. Comment le sonore était entremêlé avec les autres sens, et on allait vers le multi, plurisensoriel, et le sonore était aussi important que la thermique, la lumière ou autre. Et on arrivait à identifier ces différents enjeux de la dimension sonore. Par exemple, je me rappelle d'une femme qui me disait oui, il ne faut pas se perdre, hein, il faut regarder où on va. Je fais comme ça, regarder où on va. Ah oui, on regarde par les oreilles. Donc pour elle, c'était un moyen de se repérer aussi dans la forêt, dans ces lisières urbaines. Et on voit bien éventuellement la vue, le mouvement, la marche et le sonore. Et puis aussi, on arrivait à identifier les différents seuils. Ces seuils qui pouvaient être des fois des seuils sonores, on bascule de l'un à l'autre, mais des fois, à certains moments, ça peut être des variations d'ambiance où le seuil c'était le climat, ou soit le seuil c'était jour et nuit. Donc on arrivait à rentrer dans la finesse de leur expérience et de leur perception des lieux à travers ces différentes dimensions sensibles ou phénoménologiques de comment ils pratiquaient ces espaces, et là, ça révélait toute la richesse de leur vécu, au quotidien, mais aussi leur vécu passé, ou ce qu'ils aimeraient, comment ils aimeraient transformer ou préserver ces espaces. Donc là, on voit bien comment le sonore est cet intermédiaire à exprimer l'expérience d'un lieu. Pour préciser aussi, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas les parcours commentés, c'est un outil qui a été pensé spécifiquement pour l'action du sonore, et très très initialement, et très très rapidement, il est devenu autre chose. Oui. Corrige-moi si c'est... Non, pas tout le temps. Il y a des démarches qui étaient effectuées aussi dans le but de percevoir. Après, je pense que Grégoire ou Jean-Paul pourraient nous le préciser plus. Il y a eu des recherches sur les ambiances sous la ville où c'était la dimension sonore enregistrée, mais ça dépend un peu des écoles de pensée, et puis après la manière de le restituer, c'est sûr que nous on l'a axé sur la dimension sonore et petit à petit on l'a mobilisé avec les autres sens. Une recherche qui n'est pas directement orientée sur le sonore, mais le sonore a une importance. Ça me donne envie de vous parler d'un contexte de recherche actuel. Alors, j'ai pas de résultat à vous proposer parce qu'on est vraiment en plein dedans. D'une recherche qui s'appelle les ondes de l'eau Et puis ça fait lien avec la précédente, puisqu'en fait, le Vénémont se jetant dans la Romanche, maintenant on étudie la vallée de la Romanche. Dans le cadre de cette recherche qui s'appelle Des ondes de l'eau, et qui est une recherche-création en fait, qu'on mène avec un collectif d'artistes, vidéastes et musiciens qui ont l'habitude de faire une forme ciné-concert à l'issue de résidences territoriales. Il s'appelle Regard des lieux. Et donc, dans ce projet-là, en fait, on questionne les mémoires sensibles, les mémoires de la rivière, du rapport au paysage, au territoire et au travail, dans un contexte de mutation assez exceptionnelle de cette vallée, qui était une vallée qui s'est extrêmement urbanisée et industrialisée à partir de l'électro, enfin de l'hydroélectricité, pardon, et qui aujourd'hui est le lieu du plus gros chantier EDF de France, qui est en train de construire, de creuser la roche, la montagne. Ils sont en train de construire une conduite forcée de plusieurs kilomètres qui va remplacer 8 usines et barrages hydroélectriques le long de la Romanche, le long de cette vallée. Donc c'est sur la commune de Livet et Gavet, qui est une commune très étalée, faite de petits hameaux. Et donc quand ce projet va être en marche, d'ici peu, on va pouvoir démanteler l'intégralité de ces barrages et de ces usines, enfin de l'hydroélectricité. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la reconversion que ça produit en termes de paysage, mais c'est assez énorme, d'un point de vue visuel, d'un point de vue d'accès aux berges, aux rives, qui pour l'instant est complètement nié, quoi. Mais en plus de ça, d'un point de vue sonore, puisque la rivière va avoir un débit qui va être beaucoup plus régulé, il n'y aura plus de lâcher. De la même manière, et donc ça transforme le rapport au paysage, enfin, notre hypothèse c'est que ça transforme quand même radicalement le rapport des habitants au paysage. Donc quel est à la fois leur mémoire actuelle, enfin, à un moment de bascule, et puis leur mémoire aussi, on va creuser un peu plus, comme c'est quand même une commune où dans certains hameaux la population est quand même assez âgé, on va chercher la mémoire de gens qui ont grandi ici, vécu ici, et comment ils ont pu voir aussi le déclin d'une industrie et l'impact que ça a eu voilà, sur leur rapport au paysage. Et donc ça c'est le contexte, et le son intervient de deux manières, enfin de plusieurs manières, mais en tout cas je vais vous en présenter deux. Sylvie a parlé des parcours commentés. Nous, on développe une autre méthode, ensemble d'ailleurs, sur cette vallée-là. C'est celle des itinéraires, qui a été développée par Jean-Yves Petitot. Alors, les itinéraires, c'est on propose à un habitant de nous emmener en balade. En partant, on leur propose de partir d'un endroit auquel ils sont attachés dans le paysage. Et puis on les suit en fait. Et ils nous racontent l'espace, ils nous racontent leur relation, leur vécu dans cet espace au fil du parcours. Et il y a trois acteurs dans cette méthode-là. Il y a donc la personne interviewée qui nous emmène. Il y a la personne qui enregistre les propos et qui discute avec lui. Et puis, il y a un tiers qui est un photographe, dans la méthode traditionnelle, qui vient prendre des photographies de cet échange, qui est un échange situé. Donc, les photographies ressaisissent à la fois le contexte d'énonciation des propos et dans un rapport visuel qui est plus large que juste le propos échangé. Et la restitution de ces itinéraires prend souvent la forme de romans photos. Donc là, le son, dans la version originale, intervient de façon assez mineure, puisqu'en fait, c'est juste l'enregistrement des propos qu'on va pouvoir retranscrire et ensuite représenter visuellement en accolant des images et du texte échangé. Mais en fait, nous, dans notre contexte, ça nous intéresse énormément, ce rapport sonore à la rivière, puisqu'en fait, dans nos balades, on ne fait que s'approcher et s'éloigner de la rivière, et parfois la parole est couverte du son, mais ça induit complètement, ça a une influence sur les échanges et les propos. Hein. Donc on se pose la question de comment ressaisir cette compréhension-là et ce lien au son. Et donc ce qu'on a essayé de faire lors d'un itinéraire, c'est aussi de faire un itinéraire filmé. À la place du photographe, on a le vidéaste de regarder lui aussi qui filme. Alors ça ouvre un champ de questions qui est énorme, de que faire de cette matière-là, comment la restituer, et comment créer des films, mais dans un contexte qui n'est pas forcément cinématographique, enfin voilà. Mais en tout cas, ça ouvre cette dimension du son, hein. Et ça donne envie de continuer à explorer, alors peut-être plus une forme filmique, mais une forme de roman photo sonore, enfin voilà, c'est une piste à creuser en tout cas. Et puis la deuxième façon dont le son intervient dans le cadre de cette recherche-là, c'est que donc on travaille aussi avec un musicien qui est allé faire des enregistrements tout au long de la vallée, des transformateurs électriques qui sont voués à disparaître. Donc tout ce son en fait électrique de grésillement qui constitue aussi le paysage sonore dans des périmètres assez proches des lieux de production d'énergie. Et à partir de ces enregistrements-là, il a fait des petites compositions qu'il a donné à écouter dans le cadre de semaines qu'on fait, alors pour l'instant il n'y en a qu'une, mais c'est voué à se reproduire, des semaines de programmation, enfin c'est assez mixte en fait, c'est des semaines de programmation culturelle dans ces villages où la plupart du temps il ne se passe quand même pas grand chose. C'est un temps aussi où, au-delà de la programmation culturelle, on propose de partager l'état d'avancement des recherches et des créations. Donc on soumet nos travaux en fait, nos travaux en cours. Et donc dans ce cadre-là, Martin avait fait écouter ses compositions à partir de bruits électriques. Pour aussi être une manière de réouvrir les échanges à partir de ces étapes-là. Bon, voici deux autres manières dont le son peut intervenir de manière un petit peu plus décalée, mais en fait, ce n'est pas parce que c'est mineur que c'est pas important. Merci Laure. Alors, tu avances très bien ma prochaine question, mais avant, j'essaie de faire des petits points en fonction de ce que vous racontez en croisant un peu vos deux discours. Alors, ce que j'entends, c'est ce va-et-vient entre le sonore et un vécu, un vécu phénoménologique, je vais attendre l'expression de Sylvie, mais aussi le sonore et la question de la mémoire ou des mémoires. On peut rentrer par l'un ou rentrer par l'autre, mais en tout cas, les deux se renseignent, j'ai envie de dire, mutuellement. La question aussi de ce rapport qu'on appelle souvent la recherche enquêteur-enquêté, qui est posée de manière assez centrale, les enquêteurs, les enquêtés, qui a quelle place, qui occupe quelle place et dans quel objectif scientifique ou de compréhension d'une réalité d'un site ou d'un terrain. En cela, j'ajoute juste en petit commentaire que des fois ce rapport peut s'inverser complètement. Moi, il m'est déjà arrivé dans deux travaux de mettre les enquêtés en situation d'enquêteur en leur donnant l'outillage, en leur offrant la possibilité de se mettre à notre place, donc de faire de la prise de son, de faire de l'entretien eux-mêmes, de s'enregistrer leur propre voix. Du coup, on joue vraiment sur ce rôle-là et le statut de la personne recrutée. la personne de qui participe et qui nous accompagne dans notre travail scientifique. Comment ces rapports se jouent aussi quand on travaille sur du vécu sonore, mais j'ai envie de dire sur des rapports sensibles de manière générale, ces questions-là se posent de manière frontale. Ton intervention, alors, me fait du coup très rapidement aller sur la troisième partie de notre échange. On l'a vu très bien, le sonore et le vécu sonore, il a des statuts très variés dans les enquêtes. Un autre de ces statuts, c'est au moins la matière première qui nous offre forme de corpus brut, qu'il soit audiovisuel, qu'il soit seulement audio, qu'il soit de la voix enregistrée, de la prise de son in situ, à visée artistique ou à visée juste de renseigner un territoire. Donc on sait qu'on récolte une matière très importante et tu l'as dit alors, comment on restitue? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière-là? Comment on la rend? Comment on la transmet? Comment on fait raconter une réalité située au sonore, voilà, au-delà de notre enquête et au-delà des personnes qui ont vécu cette situation, mais aussi comment on préserve cette matière-là? Donc c'est des thématiques très actuelles de la recherche, comment on garde nos données, comment on les préserve. Mais j'ai l'impression que dans les rapports de l'équipe, enfin les travaux de l'équipe, le rapport à l'enquête, c'est des questions qui viennent très vite dès le début. Donc qu'est-ce qu'on fait avec tous ces sons de nature diverse? Comment jusqu'à maintenant ça a été abordé dans les travaux de l'équipe? Et peut-être les perspectives, voyez-vous, dans ce créneau-là. Création École d'hiver 2020. C'était une des questions dans un premier temps, dans une voie de la recherche sur les villes nouvelles, sur le patrimoine de ces villes nouvelles, donc avec le site particulier, une ville particulière autour de l'île d'Abo. Et dans ce cadre-là, dans cette recherche, moi j'avais réalisé des coupes sonores, des plans sonores, c'est-à-dire qu'il y avait. Sur ces plans, il y avait la possibilité de localiser les différents fragments sonores et leur associer des informations. Et ça paraissait assez intéressant. On avait fait une petite équipe dirigée par Grégoire Chlepoff. Et dans cette équipe, il y avait Jules, il y avait Françoise, et puis il y avait moi. Et on a petit à petit déroulé cet enjeu de la représentation, mais aussi de la restitution de ces fragments sonores qui étaient une matière très riche au sein du Cresson, et c'est devenu donc le projet Cartophonie. Ce projet, je suis très contente parce que hier j'ai vu qu'il y avait 870 fragments qui sont enregistrés dans cette site internet. Peut-être que Jules, tu peux nous présenter. Vous pouvez regarder aussi sur vos téléphones ou votre ordi. Et donc c'est 870 fragments sonores qui datent de 1980 à maintenant, qui se situent dans le monde entier et qui permettent donc de contextualiser ces fragments sonores avec, comme je vous disais tout à l'heure lors de la première question, l'importance des métadonnées. C'est-à-dire pourquoi on a enregistré ce fragment sonore, qu'est-ce qui nous intéressait dans cet enregistrement sonore par rapport aux enjeux de la recherche, et puis qui l'a pris, comment on l'a pris, à quelle période, quel matériel aussi on a utilisé pour le prendre. Et puis ce fragment sonore, on peut l'écouter. Et puis, on peut aussi aller vers le lien vers le site, le catalogue du Cresson, où il y a tous ces autres fragments sonores et on peut télécharger aussi le rapport de recherche. Et ça permet vraiment le but, c'était pas de faire une sous-map, c'est-à-dire une carte assez graphique, artistique, où on peut mettre tous les fragments sonores qu'on a pris et avoir vraiment une vision de tous les enregistrements possibles. C'était vraiment partager, puis aussi la possibilité de débattre autour de ces fragments sonores. Donc, le temps qui me mette en marche, je vais passer aussi au deuxième enjeu, parce que là, c'était plutôt l'enjeu un peu diagnostic, de description de ces fragments sonores, mais là, on est à l'échelle mondiale. Et le deuxième enjeu, c'était aussi le côté prospectif, c'est-à-dire, à travers ces fragments sonores, on peut essayer de faire référence, de se dire quels étaient les critères pour arriver à cette qualité-là, quels étaient arriver à ces effets sonores-là, qu'on peut aussi écouter les différents fragments sonores par ce critère. Et puis, quels sont les critères émergents ou quels sont les éléments qui nous permettent de penser à d'autres espaces et se dire, ben voilà, là, il y a peut-être une configuration, il y a peut-être des certains matériaux, il y a peut-être une pratique de ces usages qui permet d'avoir cet espace sonore-là, cette configuration. Donc, ça a à la fois le diagnostic, la possibilité d'une dérive sonore sur sur cette internet, et puis à la fois se dire, ben, quels sont les enjeux à relever pour se dire, ben, comment on peut transformer les espaces et s'appuyer dessus. Quand on le présentait, on avait des remarques assez sympathiques de la part de collègues en école d'archives, mais aussi d'écoles élémentaires, d'écoles maternelles, d'instituts de géographie qui étaient intéressés pour découvrir comment sonnent ces espaces, comment sonne le monde à travers la dimension sonore. Donc, je me dis qu'il y a aussi des pistes intéressantes à travers cette présentation et en présentant surtout la contextualisation des fragments sonores. Alors moi, je voulais vous proposer un autre fragment sonore. Laure a proposé du 90 dB sonore. Moi, je vais partir dans l'inframince et je vais vous proposer d'écouter Calme Urbain, un fragment sonore enregistré par Théo Marchand dans le cadre de la recherche Esquisson à Stockholm. On écoute. Quels sont les éléments qui méritent attention, qui méritent à être pris en compte dans le paysage sensible et qui permettent, c'est ce que je pense, à aider à la réflexion urbaine et architecturale. Il y a beaucoup de recherches et de raisons qui portent sur, en tout cas, on a un intérêt à se questionner sur comment partager les données sensibles qu'on collecte, enfin, comment on les collecte et comment on les partage et qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, cette ambition de donner à expérimenter et à partager des données sensibles, dont sonores, c'était une réflexion qu'on a menée de façon assez importante dans le cadre de la recherche MUSE, l'ANR MUSE, sur la muse, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, les énigmes sensibles des mobilités urbaines contemporaines, piétonnes, non, pas forcément piétonnes, bon, des mobilités urbaines contemporaines. Du coup, le son qui était là aussi peut-être, n'était pas l'objet central de la recherche, parce que l'objet c'était les mobilités urbaines contemporaines, mais c'était une manière de les aborder, donc c'était un petit peu en mode dîner. Mon axe nous a permis la convoquer le sonore pour essayer d'analyser les mobilités des gares internationales et notamment dans une ambiance sécuritaire, dans l'ambiance sécuritaire de ces gares. Et puis, au-delà de cette place du sonore, il y avait aussi l'idée de s'intéresser au rôle que peut jouer le son dans l'exposition et le partage vers un public plus large d'un terrain d'étude, mais aussi du processus de la recherche et des résultats d'enquête. Comment on partage ça? Alors, cette grosse recherche mettait en œuvre plusieurs terrains d'études internationaux, à Poblenou, en Espagne, à Caracas, à Salvador de Bahia, et puis à Paris et à Londres. Voilà. Cette recherche avait quatre axes d'études, et moi j'ai collaboré à l'axe qui s'appelle « Surveillance en public dans les gares internationales », qui ont s'intéressé aux gares de Saint-Pancras à Londres et à la gare du Nord à Paris. Et dans ces espaces de mobilité, ce qui nous intéressait, c'était qu'il y a une nécessité d'organiser de codifier, de normaliser et de sécuriser, réalisation des déplacements. Voilà. Il y a une nécessité de sécuriser ces déplacements, et cette sécurisation du mouvement, elle prend des traductions différentes, elle prend des traductions matérielles, puisqu'on agence un mobilier de telle manière à ce que le flux des piétons va être potentiellement coupé pour pas avoir des effets de masse. Il y a une traduction humaine avec des agents de sécurité plus ou moins nombreux. Et puis il y a aussi une traduction ambientale. Et là, ce qui nous intéressait, c'était que cette traduction de l'ambiance de la surveillance, elle laisse une place importante au son. Puisque quand il y a un incident, tous les dispositifs d'alerte sont d'abord sonores, en plus de ça, c'est aussi sur un plan sonore qu'il va y avoir des annonces régulières d'appel à la vigilance, quelque chose qui va être répété. Donc le son, nous, prenait quand même une importance dans notre terrain d'enquête. Mais au-delà de cette place dans le terrain d'enquête, on avait envie de porter une réflexion sur comment partager cette immersion dans une ambiance sonore sécuritaire à des gens qui ne peuvent pas être sur le terrain. Comment on fait ça? Comment on invite les gens à vivre cette immersion? Comment on partage nos données de terrain, en fait? Cette préoccupation a donné lieu à deux formes de rendu de la recherche qui sont arrivées à la fin de la recherche et qui étaient donc destinées à prolonger nos réflexions, à les partager avec un public plus large. La première forme, ça a été celle d'un site internet qui est là, qui s'appelle anr-mus.fr. Où on essayait de mettre en ligne des matériaux de statut différents, qui étaient à la fois des fils d'analyse de notre recherche, mais aussi parfois des matériaux bruts enregistrés sur les terrains. Donc il y a différents objets sonores qui sont déposés là. Il n'y a pas que des objets sonores, il y a aussi énormément de photos, de vidéos, de textes, voilà. Mais il y a aussi des fragments sonores qui ont des statuts différents. Donc là, il y a notamment des traversées sonores des deux gares qui visent à rendre compte de la diversité des situations locales et du fond sonore unifié de la gare. Parce qu'en fait, on essayait de donner à comprendre, à percevoir des sous-espaces qui ne correspondent pas forcément à des sous-espaces visuels. Il y a des décalages entre la perception d'espace sur le plan visuel, où on aurait pu donner accès en mettant un plan de la gare détaillé, annoté, etc. Mais il y avait une non-correspondance avec l'impression de ressenti sonore quand on est immergé. Donc on a voulu aussi traduire ça par la mise à disposition de traverser. Alors je ne sais pas si on a le temps d'écouter beaucoup, mais c'est peut-être juste le début. Lors, juste une question, oui. Est-ce qu'il y a des plans où l'espace réel et l'espace modifié, etc. L'espace modifié et l'espace réel se courtisent, c'est-à-dire où nous, on pourrait voir de quelle manière l'espace est déformé, ou voir des multifacettes au niveau sensoriel. Est-ce que vous avez réalisé, parce que tout à l'heure, avec Cartovonie, je me suis posé la question de la carte, justement. Est-ce que vous avez fait des topologies croisées et voir des topographies croisées? Non, mais c'est une bonne idée. Non, en effet, mais... On est à la station de métro de Saint-Pancras et on va marcher vers Saint-Pancras, la gare, en passant par le corridor d'art. Mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Alors au tout début, c'était un petit peu coupé, mais en fait, on entend Damien Masson qui a réalisé la traversée, qui explique d'où il va, où il va aller. Donc après, on peut comprendre son cheminement. Et c'est aussi une traversée qui a été enregistrée avec les micros dont il y parlait, les têtes artificielles, un micro binaural, donc qui enregistre avec deux micros qui enregistrent à la place de nos oreilles. Et c'est assez intéressant. De l'écouter au casque, parce que du coup on a vraiment des bruits de valises qui nous entourent, quoi. On sent le passage des gens, enfin physiquement on les ressent. Donc il y avait ce type de matériaux qu'on avait mis en ligne, d'autres qu'on va peut-être pas avoir le temps d'écouter là, mais qui étaient des séquences sonores qui s'intéressaient plutôt aux annonces sonores d'appel à la vigilance, qui était très différente en fait d'une gare à l'autre, parce que là on avait vu Saint-Pancras, on était aussi allé faire un petit tour sur King's Cross qui était de l'autre côté de la rue et qui avait une politique en fait sonore des annonces complètement différente, puisque c'était assez intéressant puisque c'était deux gares qui avaient été rénovées sur différentes temporalités. En fait, Saint-Pancras avait fait l'objet d'une rénovation. Et on voyait que les appels à la vigilance étaient complètement intégrés, extrêmement doux. Toutes les demi-heures, on avait une petite annonce hyper bien designée d'un point de vue sonore, très calme, etc. Et puis, dans l'ancienne gare qui n'avait pas encore été rénovée, là, on avait des caméras de vidéosurveillance avec des pics partout qui nous regardaient. Et puis, c'était de manière incessante, il y avait des appels et des alertes, c'était beaucoup plus prégnant. Mais ça appelait moins à incorporer la question de la vigilance. C'était plutôt l'alerte, alors que de l'autre côté, on demandait aux acteurs de prendre vraiment partie prenante de cette sécurité. Donc il y avait un fragment sur les annonces sonores, et puis aussi des parcours commentés qu'on peut retrouver là de manière plus classique. Alors l'écoute de ces fragments, c'était une manière d'engager à distance en fait l'auditeur dans le terrain, avec cette caractéristique immersive du sonore, qui était donc renforcée par ce micro-tête artificiel. Et donc qui spatialisait les sources sonores en fonction de l'auditeur qui se place donc dans les oreilles de celui qui enregistre en situation. Donc il y a comme une correspondance entre la personne qui est enregistrée et celui qui vient écouter à la place de. D'ailleurs, ça me fait penser à Jules, quand dans le cadre du Vénéon, avait utilisé les micro-têtes artificielles pour écouter ce qu'un caillou pourrait entendre. Et je me dis qu'il y a des possibilités de déplacement comme ça qui sont assez intéressantes. Bref, ça c'était la première manière dont le sonore venait jouer dans nos réflexions dans Muse, par le site internet. Et puis, il y avait une deuxième manière, où en fait on essayait de le mettre en œuvre dans des expérimentations collectives sur les terrains même de l'enquête. Alors là, le public n'était pas un public inconnu d'Internet qui viendrait à visiter notre site web, mais c'était un public de gens qu'on avait invités à venir vivre une expérimentation située dans nos terrains d'enquête. Pour pouvoir échanger avec des experts de différents types d'expertise d'ailleurs sur la perception de ces espaces-là. Donc là, on n'avait pas fait jouer des fragments sonores à proprement parler qu'on avait enregistrés, mais on avait, dans le cadre de l'expérimentation de la Gare du Nord, fabriqué un audio guide où en fait on dotait les participants d'un casque, quoi, et on lançait un audio guide, et c'était vraiment une espèce de visite guidée de la modalité de sécurité à la Gare du Nord. Là, bah, le son, on essayait de jongler entre des indications verbales qu'on entendait et des moments de silence qui, du coup, laissaient la place à une immersion dans l'espace, mais dans les indications verbales, on essayait de proposer, de focaliser l'attention sur certains aspects de l'ambiance sécuritaire, donc certains aspects visuels, mais aussi parfois certains aspects sonores. Donc c'était une autre manière de faire intervenir une autre place du son dans cette chose-là. Et vous pouvez écouter l'audio guide dans la dernière page de l'expérimentation, et donc le mettre sur votre iPad et aller Gare du Nord refaire cette visite si vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Donc, ce que je retiens, alors on a parlé carte sonore, plan sonore, coupe sonore, sound maps, cartophonie, ce qui sont. Donc, on a parlé de beaucoup d'outils, je vais les appeler comme ça, ou des situations qui mettent en question la représentation du sonore. Donc, vaste question qu'on a juste effleurée. Il y a eu une école diverse, si je ne me trompe pas, coordonnée par vous deux il y a quelques temps sur cette question-là. Il y a eu plusieurs travaux donc, de l'équipe qui portent sur cette question-là, notamment quelques thèses, un travail de Léonore qui est juste devant moi, mais aussi des travaux plus jeunes. C'est une question qui reste très vive chez nos étudiants notamment, avec un mémoire en cours sur cette question-là à l'école d'architecture de Grenoble. Donc voilà, comment on représente le sonore, et là une nuance pour moi, comment on représente le vécu sonore. Parce que voilà, les deux sont deux choses selon moi très différentes. Et est-ce qu'on pourrait représenter le vécu sonore séparément du reste de l'expérience sensible ou phénoménologique? On a aussi abordé la question de le son comme modificateur, je l'appelle comme ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Tu as parlé de l'expérimentation qui modifie d'une certaine manière une expérience sans cette présence-là de l'audio guide. Donc on vient modifier, modeler une situation. Et toi, Sylvie, tu as parlé justement de ce dialogue prospectif, d'identifier les raisons pour lesquelles, à un moment donné, on a saisi une situation sonore et qu'est-ce qu'on peut faire avec en termes spatial, donc on tend vers une logique de projet, donc une modification peut-être plus importante, plus pérenne. Donc on ouvre encore une fois une boîte un peu de Pandore, c'est comment tous ces travaux-là renvoient aussi vers du projet, vers de la modification. Des réalités de manière multiple par des XP ou par des interventions plus pérennes. Et puis on a juste effleuré la question de la préparation de l'outillage tout le long. Je me rends compte maintenant que ça prend une place très importante dans l'enquête, une place que peut-être mon collègue aujourd'hui ne s'imagine même pas, que moi-même je n'imaginais pas avant de commencer à travailler sur le son, c'est qu'au final, on a parlé un peu de l'après, on a parlé un peu du pendant, mais l'avant occupe quand même une place très très importante au niveau temps dans une enquête sur le sonore et sur le vécu sonore. Et voilà, je pense qu'ils auront peut-être l'occasion pendant la semaine d'expérimenter certains de ces outils. Mais en tout cas, là, c'est un pan très important de ces travaux. Merci à toutes les deux. Peut-être on va laisser place aux questions.